Chapitre 101. Ne pas critiquer le repas dont il est, au contraire, recommandé de dire du bien. 736. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a jamais critiqué un repas. S'il lui plaisait, il en mangeait. Et s'il ne lui plaisait pas, il le laissait. Al-Bukhari et Muslim. 737. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à ses épouses une sauce qu'ils puissent manger avec du pain. « Il n'y a que du vinaigre », lui répondirent-elles. Il en demanda, puis commença à manger en disant « Comme le vinaigre passe bien avec du pain, comme le vinaigre passe bien avec du pain. » Muslim. 737.